Charles Frénine, Moineau parisien. Livre audio gratuit lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre. Dame, c'est le coup de grâce des dernières plantes, des derniers bouquets d'automne, dont les floraisons tardives luttaient encore, l'été de la Saint-Martin aidant, avec les griffes de novembre. Géranium et chrysanthème, dahlia et souci, les voilà définitivement flambés, brisés, décolorés, ne tenant plus qu'à leur tuteur, qui seul les empêche de s'écrouler, de s'effondrer sur la terre gercée de plates-bandes. Mais quand la froidure est revenue, que les jardins et les bois sont de nouveau abandonnés aux brises et aux frimas, il nous reste les paysages du ciel que l'hiver se charge de varier à peu près tous les jours. Et c'est bien quelque chose pour qui sait regarder que ces tableaux mouvants, que ces vastes décors faits de nuages et de brouillards, coupés de rayons et d'averses, dont la terre s'assombrit ou s'illumine au jeu du vent qui les emporte. Et la musique des oiseaux n'est pas toujours absente. Ne vous est-il pas arrivé, comme à moi, à la tombée de la nuit, en traversant un bout de jardin, en longeant quelque avenue, de relever la tête tout à coup, comme au grésillement d'une joyeuse friture? Des centaines de moineaux sont là, rassemblés sur un arbre, pépiant, voletant, se trémoussant, aussi nombreux que les feuilles envolées qu'ils semblent remplacer. J'ai remarqué que, dans chaque quartier, nos aimables pierrots avaient un arbre préféré pour ces réunions du soir, sans m'être rendu compte toutefois de la particularité qui le leur faisait choisir. Son essence, en tout cas, leur est indifférente. Il y en a un avenue d'Orléans, c'est un orme. Un autre au jardin du Luxembourg, c'est un platane. Un troisième, place du Théâtre-Français, en bordure de la rue Saint-Honoré, c'est un marronnier. Ce dernier m'a semblé le mieux nourri. C'est, chaque soir, un concert des plus réjouissants. Rien ne dérange, n'effarouche les petits virtuoses, ni le va-et-vient de la foule, ni les cris des camelots, ni les coups de fouet des cochers. Cette sécurité en dit long sur la douceur des mœurs parisiennes.